habillés. En attendant, j'ai une sans pitié. Contentons-nous de les lâcher. Lève-toi, c'est l'heure chez nous. Il va falloir t'en chercher. Défends ta nationalité. Lève-toi, ton pays. Lève-toi, c'est l'heure chez nous. Il va falloir t'en chercher. Défends ta nationalité. Dans la rue, la main en danger. Partout ils se sont incrustés. Dans la zone, dans les cités. Il va falloir tout nettoyer. Rêve de gloire, d'un pays. Rêve d'espoir, de l'air civil. Il va falloir tout chercher. Qu'est-ce que ta nationalité. Rêve de gloire, d'un autre nouveau, rêve d'espoir, de temps nouveau.